les protestants, voulaient pas croire à leur discours. J'anticipe tellement que je me fais mal à savoir à l'avance que le destin nous prévoit. Ouais, peut-être que je me déteste, dis-je, car c'est moi qui suis la pourriture de moi. Moins, il convient, je suppose. Non, ça fait tout simplement nageant de nuit dans l'océan jusqu'à l'épuisement de l'essoufflement.